Cette fois-ci, je m'attaque au buddy movie. Et c'est donc l'occasion de replonger dans ce petit classique des années 80, réalisé par un maître un peu trop oublié. Tout sent bon les 80s. Les néons, les bagnoles, les fusillades, les nichons à l'air, et même les méchants et l'inévitable bar à pute, tout y est. Bon, j'ai peut-être l'air un peu rigolard là, mais j'y peux rien, c'est le genre de film qui me donne malgré tout le cœur léger. On y trouve un jeune Eddie Murphy, à peine starifié et pas encore anifié, face à un Nick Nolte encore plus brutasse que dans le premier épisode. Cette fois encore, ils vont devoir faire équipe. Le premier pour sauver sa place, et le second pour sauver sa vie. Le duo qui se hait cordialement fonctionne au cordeau. À leur côté, on retrouve Brian James, le requin de Tango et Cash, et comme il dirait, il n'y a pas de bon film sans gueule de con. Et évidemment, avec le grand Walter Hill à la réalisation, tout ça prend des allures de western sauvage où les assassins bikers seraient les méchants cow-boys à la solde des méchants propriétaires. Bon, ça aurait été dommage de passer à côté de ça, il ne me reste plus qu'à trouver le premier.